j'aime trois choses. Boire, manger et la course de la Punta. Quoi de mieux que de ressentir les tremblements des moteurs des Podracers en mangeant un bon snack? Rien! Eh bien, le snack bar officiel de la Punta est là pour ça. Chichi, fricadelles, merguez, barquettes de frites, popcorn, bière et hostie, il y a de tout au snack bar officiel de la Punta. Tout! Alors n'hésitez pas, l'appétit n'attend pas! Snack bar officiel de la Punta, partenaire officiel de Faucon Millennial. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millennial, le podcast qui aime pas trop la nostalgie, enfin sauf aujourd'hui. Je suis Grushkov et je serai votre pilote aujourd'hui. Oh zut, ça fait une répétition, merde, j'avais pas vu ça. Bon, c'est pas grave. Accompagné, comme à chaque fois, de mon équipage composé de Tuki. Salut. Matt. Salut. Et Ximnut. Coucou. Adrien n'est pas là aujourd'hui parce que c'était son anniversaire hier et aujourd'hui c'est son anniversaire surprise, donc on savait pas, il était censé être là mais finalement il sera pas là. Surprise. Surprise. Oui, lâchement planté. Ouais, du coup vous pourrez aller lui envoyer des messages d'insultes sur Twitter Adrien du Patelin. Matt il est juste jaloux parce que personne lui fête son anniversaire. Alors le pire c'est que c'est vrai. Mais si on lui avait souhaité avec le compte du podcast. Est-ce qu'on est venu faire une surprise chez lui? Ah oui, hein. Pas débarqué un soir d'enregistrement à 12 dans le salon comme lui là. Ok. Mais le pire, c'est qu'en plus, son anniversaire, c'est assez approprié avec le sujet d'aujourd'hui. Et je vais laisser Ximnut en parler parce que c'était son idée. Et du coup, je vais laisser introduire son idée. Ah bah, merci, pilote. Donc, en fait, on a parlé de pas mal de films. On a parlé des films là dans l'année précédente. Et je me faisais la réflexion que, au-delà des films, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à Star Wars, notamment quand on est gamin et tout. Quelque part c'est tous les objets, les trucs qu'on va collectionner, que ce soit une vraie collection ou juste des objets qui nous ont marqué en particulier, qui vont un peu matérialiser notre l'attachement qu'on a à Star Wars. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler de quelques objets qui ont une signification spéciale pour nous, de dire un peu pourquoi et puis éventuellement d'en discuter aussi avec les auditeurs qui pourraient partager leur expérience, leurs objets, des trucs auxquels on n'aurait pas pensé. Si ça se trouve, ils ont des trucs rares et tout, donc ça pourrait être intéressant. Et puis surtout que, pour le coup, les objets Star Wars, c'est pas ça qui manque. On en avait parlé quand on avait fait l'épisode sur Star Wars, donc Un Nouvel Espoir, le tout premier film. On avait parlé du fait que si Lucas avait réussi à avoir son deal pour financer son film, c'était entre autres parce qu'il n'avait pas, je ne sais plus s'il recevait rien du tout ou alors une toute petite part des profits sur les tickets. Et au contraire, lui, il prenait une grosse part de tout ce qui allait être sur les ventes de produits dérivés. Et c'était plus ou moins lui qui avait un peu qui avait vraiment mis en avant tout cet aspect produit dérivé pour augmenter les profits du film. Ce qui fait que depuis 77, depuis le premier film, on a des milliers et des milliers de franchises qui ont été lancées dans des marques différentes. Ce qui fait que là, j'étais en train de regarder avant qu'on lance l'émission. Donc, ils estiment que la quantité, les profits qu'ils ont fait depuis 77 sur les objets Star Wars en tout, enfin, tout sauf, disons, les films et supports de films, ça s'est élevé à 32 milliards de dollars. Mmh. Et ce qui est plus élevé que n'importe quelle autre franchise dans le monde. Donc, voilà. Mais là, ça parle que de bénéfices, c'est ça? Oui. De bénéfices estimés, ouais. Mmh. Mais c'est ce qui est surtout plus élevé que n'importe quelle autre franchise. Alors bon, il le compare à Harry Potter, c'est un peu plus récent, mais il compare aussi, par exemple, à James Bond, qui est une vieille franchise. Et c'est vrai que Star Wars est quand même classé plus haut. Donc ça montre un peu ça donne une idée de la. Qu'est-ce qui se passe? On me dit, James Bond, c'est trop bien pour les enfants. Ah, j'ai acheté sa Rolls-Royce pour qu'il baise avec la. La James Bond girl, trop bien. Ouais, mais ils ont tenté le coup, là. Ils avaient lancé James Bond Junior, des trucs comme ça. Mais bon, visiblement, ça n'a pas trop, trop bien marché. Mais c'est vrai que maintenant que t'en parles, c'est vrai que c'est peut-être pas non plus la franchise avec le plus de produits dérivés. Mais toujours est-il que voilà, Star Wars. C'est un bon exemple pour comparer. Alors qu'en vrai, ils auraient pu faire plein de gadgets pour les enfants parce que, t'as toujours un truc dans James Bond où t'as le ou la scientifique lui prépare les objets qu'il a fait. Ils auraient pu en faire plein de gadgets pour les gosses. Mais quel enfant voulait des gadgets James Bond? Il y a les Total Spy. J'avoue, c'est ce que j'allais dire, mais. C'est pas faux. Bon, toujours est-il que visiblement, ils avaient un des moins bons marketeurs chez James Bond. Donc voilà, on se retrouve avec des milliers d'objets Star Wars. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui nous ont plus ou moins marqué. Des trucs qu'on a peut-être encore, si on est vraiment maniaque ou un petit peu soigneux. Voilà, après toutes ces années, on arrive encore à les retrouver. Alors c'est vrai que moi, par exemple, moi je suis justement du côté maniaque et soigneux, je suis un mauvais exemple parce que j'ai plus aucun objet de ce que j'avais quand j'étais gamin. C'est vrai que le fait que je sois au Canada, ça aide pas, je pouvais pas non plus déplacer toute ma chambre avec moi, donc il y en a certains qui sont restés chez mes parents. Mais par exemple, si je regarde moi, dans les objets Star Wars que j'ai, alors c'est un truc qui m'est venu un peu sur le tard, un peu une sorte de crise de nostalgie. Moi, ce que j'ai commencé à essayer de rassembler comme j'ai Star Wars, c'était plutôt les jeux vidéo Star Wars que j'avais que jouais quand j'étais gamin, que j'avais plus en physique, et je les avais récupérés via Steam, Good Old Games, ce genre de truc, mais je n'avais pas vraiment d'objet que je pouvais exposer ou même que je pouvais juste voir comme ça me manquait un petit peu. Donc depuis quelques années, j'ai essayé de récupérer certains jeux qui avaient vraiment une signification pour moi. Et comme c'est des vieux jeux, comme c'est surtout comme c'est des jeux PC, c'est bien, c'est pas des trucs qui ont trop augmenté. Parce que c'est vrai que tout ce qui va être les jeux sur console, les jeux NES, Super NES et tout, là par contre ça peut monter assez vite. Mais PC, ça va, ça reste abordable. Et donc j'avais partagé un petit peu sur le Discord au moment où je les avais récupérés. J'avais notamment récupéré une belle boîte pour le jeu Star Wars Rogue Squadron, auquel vous avez peut-être joué. Il n'avait pas joué, Matt, à ça? Si, bah, je l'ai poncé sur PC, mais je l'ai poncé en long, en large, en travers. Excellent jeu. Ah ouais, non, vraiment très très bien, ouais. Alors c'est vrai que je dois avouer, moi quand j'étais gamin, il y avait une histoire, mais je suis complètement passé à côté. Je sais pas pour toi, Matt, mais je m'en foutais complètement. J'étais juste content de conduire des vaisseaux. Bah oui, surtout ça. Enfin, il y a une trame entre les différentes missions, mais c'est vrai qu'elle n'est pas là. C'est pas. Voilà, c'est pas ce qui va t'empêcher de jouer au jeu. Voilà, si tu fais pas attention, tu vas quand même comprendre ce qu'il faut faire. Oui, clairement. Alors après, c'était un peu compliqué dans mon souvenir parce que après, il y avait quand même les. Je sais pas si c'était justement moi, j'avais le jeu qu'en anglais, donc j'imagine qu'il doit quand même y avoir des versions avec sous-titres français. Je sais pas si c'était pareil pour tout, si j'avais juste une mauvaise version. Parce que là, on était entièrement en VF. En tout cas, sur PC, il y avait une VF complète avec voix. Je l'avais pas eu. Je sais plus exactement comment je l'avais eu originellement, mais moi c'est vrai que je l'avais uniquement en anglais, et c'est peut-être quelque part ce qui m'a donné la motivation pour un peu apprendre, mais voilà, c'est pas ce qui m'a empêché d'apprécier le truc. Et surtout voilà, là il y a quelques mois, j'ai réussi à mettre la main sur la boîte, donc voilà, j'étais content, elle est en bon état. C'est un truc qui se fait plus trop maintenant sur les versions physiques et tout, mais il y a tout un tas d'objets de petits trucs qui mettent à côté, genre des posters, des trucs, des images Star Wars. Rien que ça, je trouve ça c'est rigolo. Enfin, ils essayent de rendre la boîte de faire que c'est plus qu'un contenu juste pour le jeu, en fait. Ils essaient de rendre ça intéressant, donc c'est un truc que j'avais un peu oublié. Donc quand j'ai eu la boîte, ça m'a plutôt fait plaisir de m'apercevoir de ça. Et puis mine de rien, en plus, elle fonctionne encore. J'ai testé, j'ai fait le test parce que moi, comme j'ai dit, j'ai déjà les versions. Ouais. J'ai déjà les versions des maths, donc je m'en fiche un petit peu, mais j'ai trouvé ça pas mal. D'en plus avoir une version fonctionnelle. Enfin, comme on est en train de voir que là, ça s'annonce de plus en plus des versions dématérialisées qui sortent des stores online. Donc, puis finalement, c'est peut-être pas plus mal d'avoir une version qui marche. Oui. Oui. Mmh. Donc voilà. C'est, alors, à la limite, je propose qu'on tourne un petit peu. Je vais pas lister tous les trucs que j'ai. Je vais peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait parler d'un truc qu'il a, qui a une idée en tête? Ben, vas-y, je vais y aller, comme ça, ce sera bien. Du coup, toi, tu parles des trucs que t'as maintenant. C'est vrai que moi, tous les trucs que j'avais quand j'étais plus jeune, j'ai dû tout abandonner chez mes parents parce que j'aurais jamais le moyen de les récupérer et puis j'ai pas pu partir avec des cartons. Hein. Je suis parti avec un sac. Donc j'ai jamais pu récupérer le truc. Alors déjà, se dire que je reverrai jamais ma peluche Woody et ma peluche Buzz. On reste dans du Disney. Ça. Ah, parce que tu les avais vraiment. Oui, depuis que j'étais tout petit. Ça faisait partie de mes premiers souvenirs, mais du coup ça. Premiers amours. Alors moi je l'ai jamais vu. C'est pas Star Wars, mais je m'interroge. Est-ce qu'il dit la même chose que dans le film, si tu tires sur la ficelle et tout? Non, moi c'était le mien. Il avait pas de ficelle. Il parlait pas. Ok, ok. C'était mais trop cher. Quand, ouais, bah, ouais. Mais oui, avant que je parte, en fait, je me rends compte maintenant que même si je connaissais la trilogie originale depuis que j'étais tout petit, mon seul jouet de la trilogie originale que j'avais quand j'étais petit, c'était un demi casque de Stormtrooper, donc juste l'avant. Et quand tu l'ouvrais, masque, oui, pardon. Mais non, mais j'ai pas fini. Je vais te casser la gueule. Je m'en fous, je crois savoir de quoi tu parles et j'ai hâte parce que. Ouais. Et quand tu l'ouvrais, en fait, à l'intérieur, c'était l'intérieur de l'étoile de la mort et du coup, c'était un mini set de jeu. Et donc, il y avait un mini Han, mini Luke, mini Leia. Et moi, j'avais la tête de Chewbacca comme ça. T'avais Chewie aussi. Ah, ouais, ok. Et puis, t'avais. Chewbacca à l'intérieur, pardon. Et tout en bas, il y avait le compacteur d'ordures avec une petite roulette pour faire se rétracter les murs. C'est et puis, cette interaction, comme ça, il y avait toute une gamme. Il y avait C-3PO, il y avait Chewbacca, il y avait un Stormtrooper, je crois qu'il y avait le garde royal, c'était la salle du trône de l'empereur. Enfin, il avait fait toute une gamme, c'était Micro Machines qui faisait ça à l'époque. Et plein de petites interactions, plein de petits personnages, et c'était vraiment, vraiment cool. Voilà, et donc moi j'avais juste le Stormtrooper. Et je crois que c'était le seul truc de Star Wars que j'avais avant. Avant, évidemment, l'épisode 1, le raz-de-marée. Alors moi, en plus, en jouet à l'époque, j'ai eu un Qui-Gon Jinn, j'ai eu un Dark Maul. C'était des figurines de 8 cm, un truc dans le genre. Mm-hmm. Et les Hasbro, enfin c'était Hasbro ou Kenner encore à l'époque de l'épisode 1 Hasbro, je crois déjà. Alors là, moi... je sais pas. Des choses qui m'intéressent. J'avais aussi le N1, le Naboo N1, le vaisseau jaune de la fin du film avec un petit Anakin dedans et pareil avec le pot dresseur. J'avais plein de trucs. Et oui, le Dark Maul et le Qui-Gon Jinn, je les ai vraiment gardés super longtemps. Est-ce que c'était ceux avec l'espèce de petite plaquette avec la puce à l'intérieur et si tu avais des petits fliqués, ils t'achetaient l'espèce de comment dire, comment on appelle ça, de communicateur qui... Qui-Gon, tu mettais la plaquette dessus, ça balançait des sons du film, un peu du genre. Alors, non, pas du tout. Moi, c'était alors ils avaient un tout petit bouton derrière. Et ils avaient des mini-versions de leur sabre laser. Et on pouvait les accrocher à leur sabre laser. Et en appuyant sur un bouton sur le sabre laser, en fait, ça actionnait un truc qui appuyait sur leur bouton qui était derrière et ça les faisait bouger pour qu'ils se battent. Ah oui, c'était la version avec le... Oui, la version des pauvres, encore. Mais par contre, celle dont tu parles, Matt... Animé, quoi. Oui. Non, parce que je veux dire, la version dont tu parlais, Matt, là, j'avais un pote qui l'avait et c'était... C'était vraiment marrant parce que le son était vraiment pourri. Il avait, il avait un Qui-Gon Jinn et on le mettait sur son support. Et on entendait un truc du genre « Tu le sens, c'est ce que tu veux ?» Mais c'était Qui-Gon, alors c'était trop trop cool. Non, parce que moi j'avais Dark Maul comme ça avec la plaquette, mais du coup je me demande ce qu'il y avait dessus. Il y avait juste deux phrases. Ou alors un grognement. C'était unique, mais pas de lui. Quand il meurt, peut-être, je sais pas. Enfin. C'est quand tu la laisses, mais en route. Mais donc, alors, c'est l'acteur. Ce film, il n'y a pas grand-chose. Ou alors, c'était l'acteur qui allait voir Georges qui disait non, mais attends, je dis rien là. Ou alors, c'est un commentaire audio. Salut, c'est Ray Park. Alors... du coup, je ne saurais jamais puisque je n'ai jamais eu cet appareil qui s'achetait en plus et que j'ai coupé la plaquette depuis longtemps. Oh, j'en avais deux aussi, deux autres trucs qui n'étaient pas des jouets du coup, pas des jouets, pas des jeux, mais c'était j'avais un truc qu'on pouvait coller au mur de la salle de bain et c'était la tête de Jar Jar avec la langue tirée et enroulée et ça formait un trou dans sa langue pour mettre la brosse à dents. Ce truc de l'enfer. Bah, non, des horreurs avec l'épisode 1. Hein, c'est... Écoute, je m'en souviens encore et je n'avais pas peur. Je crois que le truc le plus incongru d'épisode 1 que je dois avoir, et pourtant c'est que j'ai eu, parce que c'est tout ça chez mes parents et je n'ai pas tout récupéré, c'était une boîte à panettone de Dark Maul. Donc il y avait un petit panettone à l'intérieur et du coup j'ai une boîte métallique comme ça et je l'ai trimballé pendant des années des années. J'espère qu'il y avait au moins un montage sur la boîte de Dark Maul qui coupe le panettone avec son sabre laser. Là, sinon, ça aurait été c'est vraiment collector, mais non, c'est juste des scènes de Tatooine et de Naboo. Enfin, pas grand chose de pas fou, hein, c'est vraiment un truc. Mais je l'ai utilisé tellement souvent. Et dans la salle de bain, d'ailleurs, j'avais aussi un Dark Maul un peu grand. Et puis, si tu lui dévissais la tête, et ben, c'était ton shampoing dedans. Ah bah, s'ils avaient vraiment été intelligents, c'est ça. Ils auraient fait le corps. Voilà. ce qui irait drôlement bien quand même avec mon éponge Kylo Ren. Ouais. Parce que depuis Noël, j'ai une éponge Kylo Ren dans la salle de bain. Tout va bien. Et une autre toilette Captain Phasma. C'est, voilà, c'est ça aussi, hein, Batman. Des fois, il faut. Il faut. Je sais pas s'il faut, mais. Alors, en fait, je sais pas. C'est les cadeaux en même temps. C'est drôle. Les émotions causées par une éponge Kylo Ren, tous ces souvenirs. tu pleures dès que tu la tiens dans ta main. C'est un autre truc. Je crois que les fêtes avec le visage de Kylo Ren, le masque de Kylo Ren, c'est quelque chose, hein, c'est vrai que. Je m'éternise, moi, mais c'est vrai qu'il y avait un autre truc que j'avais. Non, vas-y. Que j'avais de l'épisode 1. C'était un kit, en fait, avec des moules et tout. Et des moules. Alors, pas des moules à manger. C'est un bon moule, ça. Mais il y avait de quoi faire des petites statuettes en plâtre, en fait, de l'épisode 1 et les peindre et tout. Et donc, il y avait Padmé. Et en fait, c'est la seule dont je me souviens. Il y en avait plein. Il y en avait plein. Mais les temps de partie. Il y en a qui se cassaient. Ça marchait pas toujours très bien. Mais oui, c'est vrai que j'avais. J'ai mis au moulage. Avoir peint une Padmé en plâtre. Tu sais, dans sa grande robe rouge avec les lumières. Ah oui. Ouais. Ah non, parce que j'étais en train de me demander. T'es déjà un artiste à l'époque. Ouais. Ouais. Alors, j'ai toujours été très fort en art plastique en plus. C'est non, mais heureusement qu'ils ont choisi ce modèle-là parce que c'est vrai que Padmé, là, autant un droïde ou un vaisseau, je peux voir une forme reconnaissable, mais c'est vrai que Padmé, qu'est-ce que tu fais pour vraiment que tu la reconnaisses facilement, mais encore avec la tenue avec les grandes robes rouges, ça peut passer. Ouais, et du coup, tu voyais sa boule et tout. Vous voyez ça quoi? Je sais pas, j'essaye de d'avoir un fil conducteur. Ah, tu vois, ils sont boules, c'est comme ça qu'on dit. Il y avait ces boules sur le côté, oui. Ah, les boules lumineuses, oui. Oui. Voilà, on y revient. Voilà, les boules lumineuses. Comme chez les Gungan. Évidemment, j'avais eu la BD aussi du film. Quand j'étais un peu plus grand, je me suis même amusé à faire ma propre BD Star Wars, c'est-à-dire que en fait, je prenais un calque et puis je prenais des personnages, je les assemblais, puis je faisais ma propre histoire. On appelle ça faire une Larocca. Les vrais sauront, et on en parlera un jour quand Lain reviendra pour parler des comics. Voilà, donc tout ça c'était épisode 1. Un dernier truc par rapport à l'épisode 1, c'est que j'avais le poster dans ma chambre. Non. Pendant très longtemps. Et ça me fait très rire parce que il était sur la porte de ma chambre pendant très longtemps jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un poster de Linkin Park. Donc vous voyez un peu l'évolution. Vous rigolez, putain de merde. Mais c'est ça qui est trop drôle. J'ai eu une hésitation parce que je me suis dit, je vais dire Linkin Park ou Evanescence. Je sais pas, mais je vais dire. C'est moi qui avais le truc Evanescence. Mais c'est le signe d'une bonne adolescence. C'est 100% véridique, quoi. Tu vois, non, j'arrive à 15-16 ans, et ça change de décor et ça reste toujours aussi cliché. C'est parfait. Avant que ce soit mon tour, mais juste parce qu'on parle de poster, j'en profite rapidement. Moi, j'avais un poster rouge avec le casque de Vador. Et on l'avait acheté dans une espèce de boutique qui faisait un peu la vente de stock de livres, qui déstockait des bouquins qui n'étaient pas vendus, machin. Et ils avaient des posters Star Wars, et on m'avait ramené ça. Et je l'aimais bien, il était beau, mais je crois que c'était un faux parce qu'il avait marqué The Revenge of the Jedi en bas du poster. Et pendant longtemps, je l'aimais pas. Et après, un jour, j'ai découvert que, en fait, ça devait être un truc de je sais pas, de pré-prod ou qui avait été imprimé avant que Lucas décide de changer le titre. Et qui, voilà, du coup, c'était. C'était méga collector, en fait. Méga collector, et je sais pas ce qu'il est devenu, ce putain de poster de ce bouffe. Merde, bravo. Je trouve que c'est le seul. J'espère que je le retrouverai chez moi. Il y a tout un carton. Après, c'est peut-être le seul encore vivant, mais je ne sais pas dans quel état, et j'espère pouvoir remettre la main un jour. Mais ce truc-là, du coup, je l'aime bien. C'est un truc que j'aime bien. tant qu'on est dans les posters, alors moi, il y a un truc, j'ai eu pas mal de posters, mais surtout, ce qui est intéressant quand on est ado et tout, c'est l'origine des posters, et notamment, il y avait pas mal de, notamment les tous les journaux, les magazines, genre, je sais pas moi, Phosphore ou Le Monde des ados, des trucs comme ça qui filaient des posters. Tu lisais des trucs de ouf, toi, à l'époque. je donne des trucs qui me viennent à l'esprit, mais il y a peut-être d'autres titres qui faisaient ça. Vous aviez ça aussi, vous, justement, les posters Star Wars qui venaient dans les magazines et... Je lisais rien. Moi, j'avais rien de Star Wars quand j'étais jeune. Les premiers magazines Star Wars que j'ai... J'ai jamais lu. Si, j'en ai eu des magazines Star Wars, c'est vrai, c'était le... Ou même, Lucasfilm Magazine, carrément. On avait un spécial par rapport à la sortie de l'épisode 3 avec J'avais le mec Dark Sidious en couverture. Je l'ai lu à peu près 170 000 fois, à peu près. il devait y avoir des couleurs alternatives. Moi, j'avais le celui il y avait juste Anakin, sans plaque, pas qu'il y avait Sidious. Il y avait des couleurs alternatives. Mais moi, je me souviens, j'étais con, j'avais lu le magazine qui te faisait le résumé du film détaillé avant d'aller voir le film. Donc en fait, je savais déjà tout. je me suis spoilé moi-même. Petit joueur. Ça me fait trop rire. Alors c'est quoi gros joueur? Gros joueur, c'est quand tu achètes la novélisation de l'épisode 1 2 mois avant. Et quand tu fais pareil avec l'épisode 2. Les meilleurs, c'est quand même ceux qui achetaient les bandes originales et puis dedans, il y avait le titre Qui-Gon's Noble End. Ça, c'est une source officielle aussi. Dommage. La fameuse époque où on avait tellement pas peur des spoilers qu'on les mettait directement sur la boîte. Ah ouais, là tu te fais lapider. Les mecs te vendaient le film en livre 2 mois avant. Vas-y, tu peux lire le film, il y a pas tout ça. Parlant de livres de films, il y en a un que j'en ai qu'un seul de livre, enfin de la prélogie, j'avais qu'un seul une seule novélisation, et c'était celle de l'épisode 3, et celle de Matthew Stover, et elle était... La fameuse. Ouais, la fameuse. Et même maintenant, si vous aimez bien Star Wars et la prélogie. Je vous conseille de la trouver, cette novélisation, parce qu'elle est vraiment superbe. Déjà en français, je l'avais trouvé très très bien, et la version originale est encore mieux, je pense. Mais voilà, même la version française, c'était super cool. C'est peut-être à cause de ce livre-là que pendant très longtemps, La Revanche des Sith, c'était mon préféré. Moi, c'était à cause du film. Et de l'épisode 3, j'avais un seul jouet, mais c'était un des... Voilà, moi, j'avais mon trio de jouets favoris à un moment. C'était le Qui-Gon et le Maul de l'épisode 1 et le Obi-Wan de l'épisode 3 que j'avais eu. Donc, le meilleur de tous. Voilà. Et je l'ai plus maintenant et ça m'énerve et j'aimerais bien en retrouver. Hein, parce que il avait une petite plaquette avec une puce qui disait Hello there quand tu le. Non. Alors celui-là, il avait rien du tout en plus. Mais je crois que si j'appuyais sur ses jambes et que je les rapprochais, ça faisait tourner son torse pour qu'il attaque avec son sabre laser. Et je pouvais lui changer sa main. Il avait une main avec le sabre laser et une main normale. Et je pouvais lui changer. Et il avait aussi le manche de sabre laser à part que je pouvais lui accrocher à la ceinture. Mais c'était aussi pareil. Il était un peu plus grand, du coup, c'était drôle parce que les autres, ils étaient... Genre Qui-Gon, il faisait genre 1 cm de moins, tu sais. mais voilà, c'était le trio de jouets avec lesquels j'ai beaucoup joué. Et puis j'avais eu aussi... Pour finir, un dernier truc, c'était le trio des méchants de la prélogie. Et donc, le fameux trio dont tout le monde parle. Donc, j'avais Dark Vador de la prélogie. Hein. Donc, j'avais Dark Vador, Dark Sidious et Dooku. Mais attends, on parle de la prélogie, donc t'avais un Anakin tout cramé. Non, c'était le Dark Vador en armure avec un sabre laser et tout, mais après c'est vrai qu'il était dans un lac méchant quelques secondes à la fin du film, donc c'était l'épisode 3, hein, c'était un truc c'est vrai qu'ils n'avaient pas eu de race à l'époque, ils s'en foutaient, hein. Il y a Vador dans le film, on ressort Vador, c'est pas un problème, hein. Mm-hmm. ouais c'est clair. Et donc moi j'ai fini pour le passé. On va passer peut-être au passé de Chucky qu'on n'a pas du tout entendu presque. Ça va être rapide. Parce que moi, j'avais rien, en fait. Voilà. Quand je l'ai dit, Tu vas en parler, du coup. C'est parce que c'est pas un truc de fille. Non, c'est parce que Star Wars, on l'avait vu, parce que ma mère avait enregistré les cassettes de la rediffusion de la trilogie originale sur la télé. Oui, c'était des cassettes à l'époque. Et on s'est arrêté au début de l'épisode 6 parce que la cassette avait mal fonctionné. Et j'ai pas revu Star Wars jusqu'à ce que je sois ado. Et à ce moment-là, moi j'étais à fond dessus, mais pas forcément ma famille. Et puis de toute façon, il y avait pas vraiment de marchandises Star Wars dans les magasins classiques où tu vas faire tes courses tous les jours. Donc, Mais à l'époque où ils ont ressorti la trilogie originale en 97, il y avait des jouets partout. Déjà. Je sais pas, faut demander à ma mère, j'avais 4 ans à l'époque. Avant de Chucky, qu'est-ce que t'as fait encore? Elle t'expliquait un jour. Oui, j'ai les premiers trucs Star Wars que j'ai eu, je me les suis achetés. moi, j'ai un aparté à faire d'ailleurs, tant qu'on part sur les cassettes, et j'ai un petit message à faire passer. Léandre, je t'ai passé des cassettes en 1999 et tu me les as toujours pas rendues. Alors, si t'écoutes ce podcast, voilà, tu nous envoies un DM que je t'envoie mon adresse. On va te défoncer, Léon. On va te niquer ta race. Non, c'était le but de ce podcast. Voilà, que je puisse enfin faire passer ce message. Tu fumes ta mère, Léon. Mais j'ai joué avec des jouets Star Wars qui n'étaient pas à moi quand j'étais petite. Parce que ma mère elle allait souvent chez plein de gens et du coup on était chez des gens et ils avaient l'étoile de la mort. Wow. Que tu pouvais ouvrir, puis il y avait plein de trucs dedans, mais c'était les bourgeois. Ouais. Et ils avaient un Faucon Millennium énorme Ah, c'était des bourgeois, oui. Et tu pouvais aussi ouvrir le cockpit et tout, mais les figurines Star Wars qu'ils avaient, elles étaient trop grandes pour aller dans le cockpit. Et ça frustrait trop. J'étais genre, pourquoi ils sont pas à la taille du faisceau? Et j'ai beaucoup joué avec ce Faucon Millennium et j'étais genre, waouh, il est énorme, c'est un gros vaisseau. T'aurais dû leur voler. Grave. Mais ça aurait pas été discret, genre le truc qui faisait la moitié de ma taille. Est-ce que c'était les, est-ce que c'était des trucs, c'est, enfin, c'est vrai que moi, hein, le gros Faucon Millennium, c'est moi, ça me fait penser au gros Lego UCS. Est-ce que c'était des Lego ou est-ce non, que c'était pas un Lego, c'était un vrai jouet en plastique, mais il était vachement. On avait fait un à l'époque. Il devait y avoir aussi une version Micro Machine, mais. J'ai été trop impressionné par ce truc. D'ailleurs, c'est chez ces gens-là que j'ai découvert le jeu Les Sims aussi. Enfin, j'ai découvert que des trucs bien là-bas. C'était les copains riches chez qui tu vas pour t'amuser. C'est ça. Mais écoute, ils avaient une énorme longère en Bretagne avec plein de chambres et puis ils ont fini par ouvrir leur crêperie. Donc, j'imagine que oui, ils étaient riches. Ah, le petit business de la crêpe. Voilà. Mais même, j'ai jamais demandé à Noël les trucs Star Wars. Enfin, à l'époque de l'épisode 20, il y avait des trucs partout. Enfin, je veux dire, tu achetais un gros paquet de céréales, t'avais un bazar Star Wars dedans. Mais... Moi, la prélogie, je l'ai vue super tard, en fait. Je l'ai pas vue quand elle est sortie. Je l'ai vue, genre... Sur YouTube, non. J'avais quoi? Ouais, j'ai vu des... Non, je déconne pas, j'ai vu des morceaux sur YouTube et j'étais genre obsédée par... C'était des morceaux du 3. Et j'étais genre obsédée. Comment? Non, tu t'es dit qu'il faut que je télécharge sur Kazaa ou sur Emule. Oui, j'ai même pas pensé à le télécharger d'ailleurs à l'époque. D'ailleurs, j'avais des problèmes avec Emule, il était chiant ce truc. Et ouais, j'avais vu des bouts comme ça de l'épisode 3 et j'étais obsédée par ce film. Je voulais absolument le voir parce que c'était les morceaux que j'avais vus, c'était ultra dark et bon, c'était ma période gothique qui n'a jamais fini. Et un jour, on est allé dans un magasin genre But, tu sais, pour les meubles, truc comme ça, et il y avait des télés en exposition, et il y avait une télé, et il passait le film. Il passait le 3, et j'étais genre à ma mère, on peut pas rester un peu, genre, va regarder les machines à laver. Non, moi, faites vos courses, moi je bouge pas. J'étais en train de le regarder en mode, oh mon Dieu, il le diffuse. Mais j'ai pas vu la fin. Et c'est quand j'avais 17-18 ans que mon copain de l'époque m'a montré, en fait, la prélogie. Voilà. Non, c'était pas moi. Ok, et toi, Matt, du coup, t'as coupé un peu tout le monde. Moi, j'ai essayé d'intervenir un peu quand ça me zéro. J'interromps tout le monde, c'est mon style, écoute. Vous me rappeliez les trucs au fur et à mesure, donc j'en ai profité parce que c'est vrai qu'à la base, j'avais pas trop d'idées hein, pour ce podcast. C'est venu un petit peu, ouais, non, mais pour commencer, ces foutus romans photos de la trilogie originale, là. Bien sûr. Le machin Atlas ou Hachette, là, je sais plus, qui est immonde, mais très drôle, et quoi j'ai découvert vraiment les trois premiers films. Et dans les premiers numéros, ils mettaient un petit vaisseau, justement, en micro-machine. Le premier, c'était un Destroyer, qui a fini Destroy, d'ailleurs, enfin. Je crois qu'il est dans un sale état, si je le retrouve un jour. Mais voilà, il y avait ça, et puis j'ai poncé les bouquins, ils sont dans un état pas possible, mais j'y tiens, parce que c'est avec ça que j'ai vraiment découvert la saga. Oui. Et ensuite, ouais, les jeux... Oh, d'ailleurs, big up à Ginger Force qui les a achetés, là, il n'y a pas longtemps. Oui, elle, c'est la menace fantôme, je suis jaloux, parce que moi, je ne l'ai pas. Ah, je croyais qu'elle avait pris la trilogie, non, c'est vrai, c'était la menace fantôme en trois parties. En trois parties. Ils sont toujours en trois parties. Mais moi, j'ai la trilogie originale et elle a la menace fantôme. Et voilà. Donc, à force, vous allez réussir à avoir toute la saga. Je sais pas si on fait le reste de la même façon. Je suis pas sûr. Tu vas devoir The Rise of Skywalker en roman photo. Grushkov, il va tout découper, il va remonter le film avec. Ça va être n'importe quoi. De la tout coller, tout dégueulasse. Wow, mais c'est... D'ailleurs, c'est la colle, ça, Grushkov. C'est... D'ailleurs, du coup, Matt, tu demandais si j'avais pas des jouets Star Wars, c'est parce que c'était pas un truc de film. Mais non, pas du tout, parce que j'avais des figurines Batman, Spider-Man, Le Martien, Cyborg. Bon. Mais du coup, oui, donc après les romans photos, moi, j'aimais bien les micro-machines. C'est vrai que il y avait à l'époque, il y avait toute une gamme qui était assez folle. On a parlé tout à l'heure avec Gauchkov, les petites têtes qui s'ouvraient avec un petit playset comme ça. Oui. C'était trop cool. Ils étaient bien en plus, hein. Ils étaient bien, vraiment détaillés et tout. Soigné, ouais, c'était propre, c'était beau. Enfin, il n'y avait vraiment pas de quoi rougir. Il a tenu des années, hein, le mien. Ah bah, le mien est dans un. Enfin, s'il existe toujours, il est toujours pareil, mais il est dans un super état aussi. Il y avait plein de petites figurines, un petit Ewok en planeur, des machins, un petit piège que tu faisais tomber sur les Stormtroopers. C'était con, ça tenait sur. C'était vraiment pas grand, mais j'ai passé beaucoup de temps avec ce truc-là et j'avais quelques autres micro-machines. Pas autant que j'aurais voulu à l'époque, c'est clair, mais j'avais les X-Wing, alors ça, j'étais très content. Oui, sauf que j'ai pété un canon, genre très peu de temps après de l'avoir eu, et je m'en suis toujours. J'ai toujours galéré pour le recoller, enfin voilà. Mais j'avais un X-Wing. Et justement, je crois que c'est grâce à ces romans photos que je me. Maman, non, on s'abonne, je vais la suite. En micro-machine toujours un TRTT, donc un bipode impérial, échelle micro-machine, donc c'est quand même une belle bête, hein, mais et j'ai joué pareil, j'ai joué des heures avec ce machin-là, avec tout ça en fait, surtout avec tout ça, j'ai joué pendant des plombes, j'adorais ces trucs-là, j'avais pas beaucoup de l'air. Alors, les Lego Star Wars, par contre, j'en ai pas eu. Ouais. Alors, les Lego Star Wars, c'est rigolo, hein, mais. Je savais pas que, j'avais joué aux jeux vidéo évidemment, hein, les jeux, ouais. Lego Star Wars. Je savais pas qu'il existait des sets Lego Star Wars. Et ça n'avait pas, tu sais, dans ma tête, ça n'avait fait aucun lien. Ça, entre... ça. Oh, cool, un jeu de Lego et Star Wars. En bon. Plus, je vais dire quelque chose de controversé, mais quand j'étais jeune, moi, j'étais Playmobil de toute façon. Donc, moi, j'avais un set Harry Potter. Ah bon, ça va. Moi, c'était les deux. J'avais vraiment pas de. Bon, je jouais quand même beaucoup plus avec les Lego, mais j'avais aussi des Playmobil. Hein, vous excitez pas, les nazis. les deux. Mais c'est vrai que les Lego Star Wars, je suis passé à côté, pardon. Moi, j'avais ni Playmobil ni Lego. Hein. Mais toi, t'avais quoi? T'avais un bâton et une orange à Noël, c'est ça? Un bâton et un pneu. mais j'avais des belles villes qui étaient des. Je crois c'était que c'était. C'était les Lego pour filles. Non, ouais. Non, c'est ça, c'était la gamme Belleville de Lego. C'est pas que pour filles, parce que moi j'ai connu les Belleville parce que j'avais une amie, elle avait tout un set avec un hôpital, tu pouvais mettre des plâtres à tes persos et c'était des grands Lego tout articulés, des mains, des pieds, des trucs. Donc ça allait jusque là, c'est les ancêtres des Lego Friends, alors je confonds peut-être avec une autre gamme. Ça a l'air mieux que que sont les Lego Friends maintenant. Les Belleville, c'était vraiment trop bien, tu pouvais bouger les mains, enfin tu sais, dans tous les sens. Les Lego pareil, aussi, tu peux bouger les mains. Hein, tu peux pas les plier ni rien. Là, tu pouvais même bouger les pieds et tout. C'était beaucoup plus grand. Ils avaient des articulations partout, en fait. Ah, je pense que c'était un peu glauque. Mais bon, bref. Moi, perso, alors c'est vrai que moi, finalement, j'ai mal démarré. J'ai démarré avec les trucs que j'ai maintenant. Mais pardon, dans les trucs que j'ai... Oh non, t'inquiète, non, mais c'était intéressant justement d'en parler. Et puis, à la limite, ça me permet d'embrayer maintenant sur ce que j'avais. Et moi, c'est vrai que j'avais pas des tonnes de jeux, mais j'avais, j'avais deux Lego Star Wars. J'avais le TBTT de la bataille de Hoth, qui était quand même vachement stylé, qui était vachement rigolo à monter et tout. Puis voilà, il était fourni avec des minifigs Stormtroopers, donc c'était vraiment sympa pour créer des petites histoires et tout. Trop bien. Ah non, ça franchement, je l'ai vraiment bien kiffé. Donc là, pour le coup, c'est vrai, c'est que... Bon. Désolé. Non, il est encore chez mes parents, celui-là. Et le deuxième que j'avais... Alors, je ne sais pas s'il y avait un nom pour ces gammes-là, mais c'était un Dark Vador en Lego. Mais entier, voilà, c'était pas juste le buste comme ce qui, je crois qu'ils font là. J'ai oublié comment ça s'appelle, cette série-là... C'est des genres de bubble head mais en Lego. Oui, les bricks heads. Oui. Ah voilà. Donc avec des formats un peu cartoon, avec des personnages avec des grosses têtes. Mais là non, pour le coup, c'était vraiment avec des proportions plus ou moins réalistes. Et il avait, c'était chaud à monter. Je me souviens, il avait la main, il avait la main articulée pour faire un mouvement genre de force choke, là, d'étouffement de force. Donc, c'était ça, je me souviens, j'avais bien galéré à le monter. J'étais un petit peu con aussi. ça, c'est vrai que... Pour pas suivre une notice, ouais. Mec, tu devais être sacrément con, quoi. Quel immense connard. Merci. Mais donc j'avais ces deux-là qui étaient vraiment des trucs officiels, mais c'est vrai qu'il y en avait tout un tas d'autres qui étaient vraiment méga stylés que j'avais pas et que j'essayais de refaire avec d'autres Lego en fait. Donc notamment là, il y a pas longtemps, j'avais partagé cela sur le Discord. Là, je me souviens dans la sortie de l'épisode 1, il y avait un Droid Destroyer qui me faisait baver quand j'étais gamin et que voilà, qui était quand même un petit peu cher, donc c'était pas un truc que j'allais avoir, donc j'avais essayé de le refaire en regardant les images et tout, et c'est vrai que c'était rigolo à faire, et puis finalement ça permettait d'apprendre à construire et tout, donc finalement c'était peut-être plus rigolo d'essayer de refaire des trucs que de l'avoir en lui-même. Évidemment, c'était pas aussi bien réussi que les. C'était pas aussi bien réussi que les vrais, mais c'était surtout ça. Le truc marrant, c'était d'essayer de refaire des trucs que je voyais ailleurs. Donc ça, c'est surtout ce que j'avais. J'avais pas vraiment de figurines, de statuettes, de trucs comme ça. C'était surtout les Lego. Voilà, c'était surtout même. Finalement, c'était pas un truc que je demandais. Je demandais pas. Hey, est-ce que je peux avoir le Qui-Gon Jinn qui raconte n'importe quoi quand on le met sur son support. Demander plus de Lego. Le Qui-Gon Jinn. Le Qui-Gon Jinn qui est là. Bonjour mon petit Gongan. Et le Vador, c'était pas la gamme avec toutes les articulations, les grosses rotules là. Enfin, on dirait des Bionicle, mais. Star Wars, non. Bah, peut-être ils en ont fait plusieurs. Celui-ci, il était. Non, c'était plutôt bien réussi. Je me souviens pas de j'ai pas souvenir de grosses rotules. Non, voilà, ce que je faisais, c'est que je demandais plus de Lego pour essayer d'arriver à refaire les modèles que je voulais. Et puis je me souviens, je sais plus si c'était dans un autre podcast Star Wars ou dans un épisode ancien de Faucon Millenial, mais mon frère avait le R2 R2-D2 en officiel, et je me souviens de Jean disait qu'il était méga moche. Donc je sais pas, voilà, si vous pouvez aller regarder sur Google, vous faites votre propre idée, mais voilà, c'était ces trois là qu'on avait, moi et mon frère, en vraiment l'objet, enfin jouet Star Wars officiel. Ok. Mm-hmm. Ouais, qu'on doit encore avoir quelque part. Parce que moi du coup, comme je disais, les Lego, non, hein, déjà je les trouvais pas forcément réussis. Quand on voit le premier set du vaisseau de Dark Maul, c'est une catastrophe. Et du coup, je regarde ça. C'est vrai que c'était pas non plus donné par rapport à d'autres sets Lego. Puis ça me branchait pas tant que ça, je crois. Mais par contre, pour le reste, ouais, donc, voilà, Micro Machines et les figurines, forcément. Donc, ça, j'en ai eu pas une pelletée, j'allais dire, mais quelques-unes. Enfin, j'en ai eu une pelletée avant de l'épisode 2, parce que là, ils s'étaient mis à brader, ils n'arrivaient pas à les vendre, je sais pas, j'en ai récupéré plein pour pas cher. Mais elle m'intéressait déjà un petit peu moins, c'était pas forcément très, très réussi, mais de la trilogie originale, j'en avais quelques-unes. Surtout Luke, un Tusken, enfin, c'était assez précieux pour moi à l'époque, et j'avais quelques vaisseaux pareils. Donc, bah là, justement, c'est un des rares que j'ai récupéré, c'est que j'ai un Wing Kenner ou Hasbro, là, au-dessus du bureau, que je garde précieusement, qui est vraiment très réussi. J'ai toujours pas de X-Wing, moi, d'ailleurs. Et on a vu aujourd'hui des. Passer la menace fantôme, ça a été la différence. C'était n'importe quoi, hein. Je dis, paquet de céréales, il y avait une connerie Star Wars dedans. Paquet de chewing gum, tu avais une connerie Star Wars dedans. Ça ne l'a plus arrêté derrière. Mais sinon, les autres trucs qui me tiennent vraiment à cœur, après, je pense que ça va plutôt être des bouquins. Je ne sais pas vous, mais. Ouais, moi comment on appelle ça là, les guides visuels, les trucs qui présentent les objets. Alors ça, là, mais moi j'en avais pas, mais moi ils étaient à la médiathèque et je pense que j'ai dû les monopoliser pendant 5 ans si j'accumule tous les pots, je les ai empruntés. Moi j'en avais juste un, c'était le guide des vaisseaux de l'épisode 1. Trop bien. Que j'ai beaucoup lu aussi et je l'ai plus, mais. Dans les derniers, il mélange un peu, il me semble. Mais oui, bah oui, évidemment. Mais tu sais, alors maintenant c'est un de mes vaisseaux préférés. Je pense que c'est mon vaisseau préféré Enfin, en tout cas, le fighter préféré, le N1, mais à l'époque, pas tant que ça. Sans plus. À l'époque, pas trop, mais je l'aimais bien quand même parce que j'étais un gamin. Hein. Je veux dire, j'aimais tout. J'étais un bébé. C'est facile à l'époque d'aimer plein de choses. Hein. Bah ouais. Je suis sûr que j'aurais aimé l'épisode 9 à l'époque. Rire doux. Voilà. Mais toi, t'en avais des comme ça, non? Et t'avais récupéré des mèmes d'ailleurs. Alors, en vrai, j'en ai qu'un seul et je l'ai eu tardivement. Je sais même pas d'où il sort celui-là. Je l'ai eu tardivement et c'est celui de l'épisode 3. Il est juste à côté de moi. En fait, c'est même pas le guide visuel. Il s'appelle Tout sur la revanche des Sith. Chez Nathan, personnage, créature, droïde. Je sais même pas si c'est pas Beau Hidalgo qui le faisait déjà à l'époque, celui-là. Tiens, mais il vient d'un Easy Cash, il y a une étiquette là. Il est peut-être 3,90 voilà, pour vous donner une idée de la valeur que j'accorde à ce type de truc. Alors, il y a des lettres de la CAF à l'intérieur, mais ça n'a aucun rapport. Mais, eh bien, écoute, il est écrit par James Luceno. C'est même pas Pablo Hidalgo, hein. James Luceno, si je dis pas de bêtises, c'est un auteur. Écrit, Il n'a pas écrit Tarkin Je crois, et Plagueis aussi Plagueis, avant. Ouais, Dark Plagueis, ouais. Mais je crois. C'est lui. Pas, c'est mais je crois celui, le Seigneur des Sith, là, qui se passe sur. Non, ça c'est quelqu'un d'autre, c'est Paul. Ah oui, pardon. Bon, bah je dis de la merde. Mais oui, il a écrit plusieurs livres. Mais voilà, mais c'est un livre. Bah, comme les guides visuels, hein, c'est des livres magnifiques où on a des. J'allais dire des rendus 3D, surtout pour la prélogie, quoi. Et quelques photos. Mais du coup, voilà. Moi, j'ai acheté celui-là, le bouquin un peu guide visuel comme ça, mais voilà, je l'ai eu très tardivement, je sais même pas d'où il sort. Non, moi je pensais plus au roman. J'en ai déjà parlé, je crois. C'est la série des X-Wing que j'ai eu, que j'ai presque eu en entier, je crois. Je suis même pas sûr d'avoir tous les livres, mais je les ai lus, relus, au point de que les pages tombent toutes seules du bouquin quand tu l'ouvres. J'avais quelques novelisations aussi. J'en ai dit tout à l'heure, épisode 1, épisode 2, quelques romans du Nouvel Ordre Jedi avec ces saloperies de Yuuzhan Vong de merde. Donc, je les ai pas lu beaucoup. Ceux-là. Mais qu'est-ce qui t'en fait, ces pauvres Yuuzhan Vong? C'est des connards. C'est ah bon. On en parlera un jour, je pense. Il faudrait un épisode entier. Et puis sinon, je sais pas si vous avez connu ça. C'était un truc pareil d'Hachette. Hein, alors, des conneries comme ça. J'ai le don avec ça, j'ai l'impression, enfin à l'époque surtout. Ça s'appelait Star Wars, les dossiers officiels. Ah, ça me dit rien, ça. C'était d'énormes classeurs que tu remplissais avec des fascicules qui devaient sûrement coûter la peau du cul à la longue. Et c'était bourré de l'or, en fait, tiré des différents médiums de Star Wars. Quoi. Donc, c'était rangé par catégorie. Hein. Tu avais les personnages, les planètes, je crois, les droïdes, les vaisseaux, machin. Et toutes les. Tous les mois, j'imagine, je sais pas du tout comment dire ça maintenant, mais t'avais l'équivalent d'un magazine à peu près, mais c'était des fiches avec une fiche sur tel droïde, une fiche sur tel personnage, une fiche sur telle planète, ainsi de suite, et tu remplissais tes classeurs comme ça. Je sais pas si j'en ai eu beaucoup, je dois en avoir peut-être quand même 3 ou 4, je sais pas, des classeurs plus ou moins remplis, mais je bouffais ça à n'en plus finir parce que là, on me nourrissait de l'or comme ça en permanence, donc moi je prenais. C'est pour ça que t'es devenu un gros casse-couille maintenant. Bah écoute, franchement, pour un mec qui a plutôt bien vécu le reboot de l'univers étendu, ça va, hein. Par contre, dedans, dans le premier numéro, je crois qu'il y avait une carte de la galaxie Star Wars, et celle-ci, par contre, elle a fini au mur chez moi, elle a plus bougé pendant des années et des années, parce que je me référais toujours à cette carte quand je lisais un bouquin en même temps. Et, si vous n'avez pas connu ça, bah tant pour vous. Mais j'aimais bien. Et voilà, ça me tenait à cœur. Allez, ouais. Maintenant, il faudrait que les. En me disant que tout ça, ça ne sert plus à rien. Mais. Pas vraiment, en plus. Pas vraiment. Bah, faut voir, comme ils aiment bien repiocher dans l'ancien univers pour le réactualiser. Voilà, c'est ça. Peut-être intéressant de comparer. Ah, voilà. Bah. Et toi, tu qui. Non, mais c'est pour toi qui on a dit que c'était bon. Non, mais vous avez. peut-être. Ouais, moi ce que je voulais dire c'était que justement quand j'étais petit, voilà, j'étais fils de Bourges. Non, j'avais une situation aisée, hein, c'est pour ça que j'avais plein de trucs de l'épisode 1 et tout. Et puis après, voilà, je suis devenu adulte et donc je suis devenu pauvre. Et pendant très longtemps, on a rien eu. Et pendant pas mal de temps, le seul truc Star Wars qu'on avait, c'était Kylo Ren. Une figurine, une Black Series Kylo Ren. Et je l'avais pas acheté à la base parce que comme je fais souvent, je veux pas acheter de produits dérivés avant d'avoir vu le film parce que ça m'évite après d'avoir des regrets. Voir des personnages qui apparaissent pas dans le film. Ouais, par exemple, j'ai jamais acheté de Zuvio. tellement horrible. collector par contre. Ouais, j'avoue. Et du coup, voilà, pendant super longtemps, après 2015, on avait en plus pas n'importe quelle Black Series, mais celle où il a un support de la neige et tout sur Starkiller. Classe. Et puis voilà, pendant longtemps on n'avait rien, et puis un jour on est devenu de vrais adultes. Donc pas des jeunes adultes fauchés, des vrais adultes qui ont un travail. et on commence à se faire des petites collections assez cool, et du coup les guides visuels, j'en ai plein. Mais, alors j'ai pas celui de Solo, mais voilà, j'ai celui des épisodes 7, 8, Rogue One. Celui de Rogue One, je l'ai vraiment, il est vraiment cool. S'il y en a un seul que vous devez acheter, celui de Rogue One, il est vraiment super cool. C'est l'ultime, là, chez Hachette, le bouquin noir. Ouais, le noir avec le Death Trooper dessus, il est excellent. Je l'ai acheté à cause de toi. Je l'ai pas encore trop lu, mais je l'ai pris à cause de toi. C'est les visuels, je m'y attarde pas, comme je disais pourquoi. J'ai hâte de l'ouvrir plus en détail. Il est vachement cool, hein. Et voilà. Et du coup, voilà, j'ai pu acheter des Lego Star Wars maintenant qu'on peut mettre un peu partout. J'avais commencé à en acheter. On en a acheté pas mal aussi aux petits, mais en fait, il les monte et puis après, il fait n'importe quoi avec. Il les démonte et moi, ça m'énerve. Moi aussi. Il comprend pas que c'est fait pour remettre sur une étagère et qu'on n'y touche plus. C'est ça. Il est trop petit. Il utilise Lego comme des jouets. Il a pas compris, quoi. Genre là, devant moi, il y a le comptoir de la cuisine et il est rempli de trucs Star Wars. Ouais. Des vaisseaux, des huttes. Ouais. Que des Lego Star Wars. Moi, un truc que je voulais faire. un truc que je voulais faire, voilà, c'était m'acheter toutes les maisons. En Lego de Star Wars, donc on a la de Luke, celle de Yoda, et là il y a pas longtemps on a pris celle d'Obi-Wan qui est sortie cette année. Qui est ressortie cette année. Oui, bah écoute, moi je savais pas qu'il y avait des trucs dans le passé, alors s'il te plaît, tu vas te calmer tout de suite. Attends, tu es en train de me dire, ils ont fait deux versions de la hutte d'Obi-Wan. Oh, bah oui, genre, oui, genre le truc que personne demande en fait. Bah moi. Non mais. Ok, à part toi. Non mais tu vois la hutte, la cabane de Yoda passe encore, mais la hutte d'Obi-Wan. Mais attends, mais il y a plein de trucs. Enfin, okay. Il est vachement cool en vrai. Hein. Ok, ok. Et il est sympa. Et puis t'as même un mini hologramme de Leia, donc voilà, déjà rien que pour ça. Ah, mais tu n'aurais pas un Lego Star Wars auquel tu tiendrais plus qu'un autre. Alors, il y en a un que j'aime vraiment beaucoup. Qu'on a là alors j'en ai deux attention à ce que tu vas dire. Il y avait un Noël, c'était quoi, c'était en 2018 je crois, un Noël. Attention. Où j'avais acheté un comment ça s'appelle, un minifig, non c'est ça, et microfighter oui. Chewbacca avec le Faucon Millennium, et je voulais l'offrir à mon fils. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et du coup, évidemment, il est éparpillé partout, mais ils ont toujours le Chewbacca parce qu'ils adorent Chewbacca, mes enfants. Et fait rigolo, j'ai un gars que je connaissais pas beaucoup que j'ai vu pour la première fois IRL alors que j'étais en train de déménager à ce moment-là, fin 2018, et qui est venu. Et puis, il m'a offert exactement cette même minifig. Non. Si, si. Et du coup, je trouvais ça trop rigolo. Et du coup, à chaque fois, je la regarde et je repense à ça et ça me fait rigoler. Bah, déjà, moi, je veux souligner, le mec est sympa parce que quand même, il te voit pour la première fois, bam, il te fait un cadeau. Donc, ouais, hein, t'es vraiment ça, sympa, c'est... Matt. Ouais, mais il y a des gens comme ça, des fois. Il y a des gens comme ça, hein. Oui. Ah, donc voilà, alors, je dis, c'était, pas, hein, c'était Matt. Quand dans la rue, je vous ferai pas un cadeau non plus. Ceci dit, la dernière fois que je t'ai vu, tu nous as encore donné des trucs. Mais on était trop surpris. Ça allait bientôt être Noël, il y avait tes gamins, voilà. Ah. En fait, je devrais faire ça à chaque fois, je devrais aller voir Matt à chaque fois. À chaque fois, t'as des cadeaux. C'est lui le Père Noël, en fait. C'était trop surprenant. Parce que Matt, on l'a connu via des amis communs. Et puis du coup, t'as l'ami qui avait dit il y a notre ami Matt qui veut te rencontrer, il a un cadeau pour toi. Et t'étais genre, qui est cette personne? D'ailleurs, en parlant de ça, c'était eux qui m'avaient offert aussi mon premier microfighter, qui était un TIE Fighter. Voilà, un TIE Fighter. Ah, c'est ce que j'allais te demander, en fait. Je me suis dit, est-ce que tu les voyais encore ou tu vois que ceux qui t'offrent des cadeaux? Non, moi je vois que les gens qui m'offrent des cadeaux, je veux dire. D'ailleurs, on dira bientôt au revoir, 6 minutes, du coup. Ah putain, merde. Du coup, je cache pas mon non-amour pour l'épisode 9, mais un de ceux que je préfère, c'est un des derniers qu'on a acheté. C'est le X-Wing de Zori, parce que dans la parodie... Le Y-Wing, pardon. parce que dans la parodie de Star Wars qu'on a écrite avec Tuki, donc qui s'appelle Ray Person, qui mélange Harry Potter et Star Wars, les matchs de Quidditch sont remplacés par des matchs dogfight, et Rey et Poe sont ensemble dans un Y-Wing, et du coup, bah, je m'amuse à chaque fois à les mettre dedans et tout, et puis ça me fait rigoler. Je mets Poe dans le truc du pilote, je mets Rey dehors à la place du droïde. C'est des garçons simples, hein, faut pas... De quoi? C'est le faire. Non, j'ai rien. Non, on t'entend mal, en fait. Ah, c'est pour ça. Non, je disais, tu es un garçon simple à contenter. C'est bien, enfin, il t'en faut peu. Ouais. C'est bah, si, un truc que j'aimerais bien avoir, ce serait le Faucon Millenium de Solo. Ah, tu veux dire celui-là que je fais? J'ai pas compris. Bon. Oh, attends. Ils sont disparus. Les sont partis, ils sont morts. Non, il veut faire une blague, alors je le laisse faire. Voilà, c'est bon, je me suis débarrassé de... Non mais attends, on a suffisamment de problèmes techniques pour commencer à kicker les gens, là. Attends, je le préviens parce que ça se trouve, il sait pas. Ben oui, en plus. Il rigole de sa propre blague. Voilà. Et vous, est-ce que vous avez des trucs qu'on aimerait avoir, ou qu'on a acheté récemment pour se venger de notre enfance, ou pour se rattraper, pour je sais pas. Ouais, c'est ça. j'ai eu 10 000 cadeaux d'ailleurs à mon. C'était à mon anniversaire. Hein. C'était pour mon anniversaire où j'en ai eu plein et c'était des. Comment ça s'appelle? Black Series. Des Black Series encore, et y a un Grievous qui est vraiment super, super trop cool. Et voilà. Ah, la Black Series que je veux, c'est Chopper. Il est de Rebels. Et il y a Rey avec son speeder, il est vachement cool. Ouais. Chopper. Attends, mais je lui ai aussi offert le Lando de Solo. Ouais. Avec sa petite cape et tout. Retirer la mie, ouais, bloqué. Voilà. Et c'était qui le dernier? Luc du 8. Oui. Oh, Black Series, j'en ai joué. Faudrait faire une photo là pour représenter tout ça là. Ouais, on en a tellement, en fait. C'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse des photos. C'est le, comment ils appellent ça déjà? Les troopers de Solo qui sont sur le train, range troopers. Je sais plus. Quelque chose comme ça. Oui. Vraiment très réussi aussi en Black Series. J'étais surpris parce que je pensais que c'était pas si bien que ça, les Black Series. Et finalement, bah, choper à moitié prix, c'est pas dégueu. C'est le moitié prix qui améliore la qualité. les Range Troopers qui sont d'ailleurs vachement plus réussis dans Solo que le Trooper dégueulasse en CGI qui fait de la moto. Laisse tranquille le Patrol Trooper qui est magnifique, qui est très réussi. Il n'est pas en CGI, je suis désolé. La moto, elle existe vraiment. Ils l'ont vraiment faite, la moto jet. Oui, la moto, mais pas lui. C'est un casse-crédeur, mais... Moi, perso, les trucs, c'est un peu les trucs que j'ai achetés maintenant, des trucs que j'avais pas avant, je l'ai évoqué un peu au début du podcast, c'était les boîtes d'objets, donc les boîtes de jeux, donc Rock Squadron, j'ai aussi chopé Star Wars Galactic Battlegrounds, là, le jeu que j'ai, sûrement le truc auquel j'ai plus joué en étant gamin. Mais là, un truc vraiment que j'aimerais avoir, parce que, comme je disais, moi, j'avais, quand j'étais gamin, j'avais que le seul objet Star Wars que j'avais vraiment, c'était les Lego et. Je sais pas, je trouve que c'est rigolo à monter ou quand on est gamin à jouer, de créer des histoires, mais c'est pas le genre de truc que je me vois exposer. Ouais. Et donc je me suis dit, des histoires avec. Genre quand même, qui nous prend de haut, quoi. Au moins, je mettrais pas ça sur mon comptoir de cuisine. Vas-y, Xémy, continue. J'ai pas vu votre comptoir de cuisine, alors si ça se trouve, c'est approprié pour créer des histoires. Mais y a un truc que je me suis dit, alors bon. Qu'est-ce que j'aime comme film? Alors, j'aime bien l'épisode 1. Bon, parfait, j'ai pris un objet de l'épisode 1. Et je me suis dit, les figurines, c'est sympa, mais elles sont un peu moches. C'est vrai que souvent, les visages, ils sont tout foirés. C'est... Voilà. À chaque fois, on se tape des fous rires. Non, le Qui-Gon en Black Series, il est vachement cool. Oui, oui, je parle pas spécialement des Black Series. Je parle en général, les autres figurines ont des visages. Regarde les grosses, là, qui sont plus grosses que les Black Series, qui sont genre taille Barbie que tu trouves dans n'importe quel magasin, ils ont des tronches pas possibles. C'est une catastrophe ces trucs là. Mais donc un peu en procédant un peu par élimination et puis en cherchant un truc un peu original, je suis tombé sur un truc, c'est y a Bandai qui fait sa propre série de figurines Star Wars. Et donc, je suis tombé sur un truc, un droïde de combat qui est sur son... ils appellent ça un STAP, ou je sais pas comment on prononce. Ouais, c'est des espèces de motos... les espèces de motos volantes qu'ils ont qu'on voit quand ils débarquent sur Naboo. Et donc, je trouvais la figurine plutôt stylée. Donc, je me suis dit, tiens, je me prendrais bien ça pour avoir un peu une figurine, parce que c'est vrai que, les boîtes de jeux, c'est sympa, mais visuellement, c'est pas ouf non plus. Donc, j'attends juste qu'elle baisse un peu de prix parce qu'elle est un petit peu chère. Donc, c'est un truc que j'aimerais bien avoir et qui serait tout de même abordable. Donc, j'attends juste que ça baisse. Parce que là, ça doit tourner. Alors, attends, c'est en dollars canadiens. ça fait combien en euros? 3. Cher. 53,333333333 euros. Donc, j'attends. Je sais que y a vraiment des gros fans, des gros collectionneurs qui nous écoutent, ils peuvent se permettre de te mettre 50 balles, mais bon, moi je suis peut-être un faux fan, c'est peut-être ça en fait. Je refuse de donner trop d'argent à Disney. Le problème c'est que les 0,333333333 dans le porte-monnaie, tu vas jamais trouver ça. Hein, je suis ouais, dis donc, ouais, il va falloir que je coupe les pièces en 3. Puis en trois. En parlant de donner de l'argent à Disney, ça me fait rigoler parce que le tout dernier achat de trucs Star Wars que j'ai fait, c'est Fallen Order. Et pour pas donner de l'argent à Disney EA, je l'ai eu en occasion. Bon plan. En plus, c'est écolo. Et en plus, c'est écolo. Sur console ou sur PC? Sur console. Sur console, ok, ouais. Ouais. Alors tiens, c'est vrai que tant qu'on en parle, moi c'est vrai que les jeux vidéo, ça fait partie des passe-temps que j'ai. Et en cherchant justement, en cherchant des trucs un peu récents ou surtout je me suis dit ça pourrait être sympa d'avoir une jolie édition collector. Et je me suis aperçu qu'en fait il y en a pas vraiment pour Star Wars. Des trucs, des objets, des trucs tangibles, des éditions collector physiques pour des jeux Star Wars. Il n'y en a pas vraiment. C'était pas la mode, c'est même pas, je crois. Quand même, par exemple, j'ai un truc, j'ai une jolie collector de Neverwinter Nights qui date de 2002. Je me dis, depuis 2002, il y a eu des jeux Star Wars, KOTOR ou même Knight of the Old Republic. KOTOR, The Old Republic, là, le MMORPG. Ouais. Je me souviens pas d'avoir vu des jolies. Oui, voilà, oui. Je me souviens pas avoir vu des jolies éditions collector physiques. Peut-être que Star Wars Galaxy a eu une édition collector. Ok, ouais, mais j'ai jamais joué. Donc, Je dis peut-être, hein, je n'ai pas de confirmation. Mais c'était peut-être un petit peu l'époque aussi, ouais, mais. Je sais pas. Parce que là, en l'occurrence, dans Fallen Order, il y a une édition de luxe collector, mais c'est uniquement des trucs in-game, des skins, des trucs comme ça, et puis des artbooks, mais pas voilà, physique. Voilà, statuette et tout. Voilà, ouais, il est une couleur de sabre qu'on filera à tout le monde. Voilà, c'est exactement ça. Donc, je me sens un peu con de l'avoir pris. C'est pour ça que je te le rappelais. Merci. De rien, ça me fait plaisir. D'ailleurs, évidemment, il y a le meilleur skin de vaisseau possible dans ce jeu-là. Hein, c'est le skin N1 en jaune. Qu'est-ce qu'il y a, je te fais chier ? Non, c'est bon. Non, pas du tout. Non, au contraire, continue, c'est pas lent. Mais putain ! Non, je sais que le N1, c'est un des seuls que pour Microfighter, je l'ai même pas acheté, j'en veux pas. Mais pourquoi t'es un connard comme ça ? Non, c'est juste que le set est crado. C'est pas la faute du vaisseau, c'est le set qui est crado. J'espère qu'ils le referont d'ailleurs en Lego, hein, qu'ils ressortent. En grand, ouais, ça pourrait être cool, ouais. Du coup, bah, justement, bah, moi, depuis l'épisode 7 et Rogue One, c'est parti en couille. Hein, et du coup, comme j'ai déménagé, effectivement, j'ai à peu près tout laissé derrière moi, j'étais plus le mood Star Wars, qu'on s'est revenu. C'est là que je suis parti en Suisse. Donc, les Lego, j'en parle même pas. Les bouquins, je me focalise surtout sur les romans du nouveau canon et sur des bouquins, les art-off, principalement les art-off, et puis des bouquins un petit peu autour de Star Wars, on va dire. Tout ce qui est making-of, trucs comme ça. Et je crois que j'ai chopé tout. Aussi, ici, j'ai chopé toutes les figurines de Disney Infinity. C'est un petit peu comme les Skylanders là, que Disney avait sorti à un moment donné. Ils avaient fait une pelletée de figurines et de DLC aussi autour de Star Wars. C'était cool. Parce que du coup, c'était l'époque où Rebels passait aussi. Donc, on a eu Ezra, on a eu Kanan, forcément, hein, on a eu Sabine, Zeb. Et Hera est restée au stade de prototype. On peut l'acheter sur eBay à 400 balles, elle n'est pas finie, elle n'est pas entièrement peinte, mais elle sortira jamais. Okay. Du coup, il manque un des Rebels, c'est un des Phoenix, c'est un peu chiant, c'est un peu un des gros regrets dans ma vie. Voilà. Mais non, mais sinon, elles sont très cool, et vraiment, si vous cherchez une petite figurine Star Wars vraiment, enfin, vraiment pas chère, je sais pas, moins de 10 balles, je crois, voire moins de 8 balles avec un peu de bol, je sais pas, pour mettre sur votre bureau, au travail, ou un truc du genre, c'est un bon choix. C'est plutôt cool. Et voilà. Ok. Depuis que la hype est revenue, depuis grâce à l'épisode 9, je pense que je vais faire des économies. Ouais. Ouais. Xibdu, t'avais fini d'ailleurs ce que tu disais ? Tout à fait. En fait, je me rends compte qu'on n'a pas fait parler Chucky. Ouais, moi je voulais dire que niveau jeux vidéo, j'ai jamais eu de Star Wars, mais mon frère en avait un. Enfin, si je compte maintenant avec les Lego Star Wars et Fallen Order, à part ça, avant. Mon frère, il avait le jeu sur PlayStation de l'épisode 1. Oh, tous ces bons souvenirs. Et on n'arrivait même pas à finir le début. On ne trouvait pas comment activer le... Enfin, il y avait un bouton avec c'est un... C'est moi qu'on dit qui est sacrément con. Non, je suis désolé, moi c'était pareil. Il hein. Y avait un gros rond vert avec un symbole de main. Et c'était censé ouvrir la porte. Et on n'a jamais trouvé comment foutre sa main dessus pour ouvrir cette fichue porte. Alors mon frère, il courait juste en faisant des galipettes dans le couloir. Et c'était tout ce qu'on a vu trop du bien. Jeu. Ouais, des Star Wars. Du coup, à la place, on a pris des burn-out et on se faisait des courses de voiture. Et puis on savait comment ça fonctionnait. Finalement, c'est pas plus mal. C'est vrai qu'on avait tout sur PC qui était une horreur absolue. Bah, lequel oui. Le jeu La Menace Fantôme, là, du coup, c'était le TPS. TPS ah, Kramer, ouais, il était tellement il était bon ce jeu. Terrible. Ah, en mais plus, j'ai passé les heures dessus, mais avec les codes. Et trouver un chemin jusqu'à la chambre du Sénat. Oh ouais. Moi, je rêvais de code de si on pouvait balancer la reine là, parce que j'en pouvais plus. Même quand elle était méga loin, on l'entendait encore dire « Ah, il y a des autres droïdes qui vont arriver !» Bah tiens, c'est pas vraiment le sujet, mais vu qu'on parle de ce jeu-là, j'en avais parlé, j'avais trouvé, il y a des gens qui ont fait un éditeur de niveau. Alors, je sais pas si c'était l'outil que LucasArts utilisait à l'époque, mais il y a un éditeur de niveau qui est disponible pour la menace fantôme. Donc, je perds pas espoir de, je sais pas, créer un épisode spécial Faucon Millénial dans le monde de la menace fantôme avec des visages tout anguleux. Ça va être merveilleux. C'est trop bien. C'est mon objectif pour 2020. Sorti à l'époque sur PS1, c'était Jedi Power Battles. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oh la vache. Je connais de nom, mais j'ai jamais testé. Tiens, d'ailleurs, il y avait. C'était un scroller 3D, enfin, un scroller horizontal en 3D, et tu pouvais jouer avec plein de Jedi, pas forcément Qui-Gon ou Obi-Wan, mais d'autres issus du conseil. Et il y avait Mace Windu, je me souviens, il était sur la jaquette. Il était sur la jaquette avec Obi-Wan et tu pouvais comme ça. Et puis en fait, tu vois, c'était des scrollers, tu désinguais du druide sur le niveau et c'était quand même pas si mal foutu. C'était pas parfait, hein, clairement, mais c'était plutôt rigolo, je crois. Moi, le jeu Star Wars que j'ai vraiment beaucoup fait, il y en a deux, mais il y en a un, il est évident parce que c'est un de ceux qui est préféré des gens. Mais c'est moi, celui de l'épisode 3, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup fait. Surtout le. Mais... je suis peut-être un monstre, mais le niveau que j'adorais faire et refaire, c'était celui où on tuait tous les Jedi au temple. Avec Anakin. Moi, je me souviens avoir vu des pubs dans les magazines, et c'est vrai qu'il avait l'air cool, mais j'ai jamais mis la main dessus, et il est toujours pas disponible sur les plateformes des maths. Donc, jamais pu tester. Bah alors, Matt, qu'est-ce que tu fais ? Moi, il n'y a rien du tout, celui-là. Ah, et ben voilà, c'était un jeu d'action, hein. Puis c'est tout. Et évidemment, Battlefront 2 de 2005. Mm-hmm. En plus, on pouvait jouer les Jedi. Donc voilà. C'est le premier jeu Star Wars auquel j'ai joué, moi. Du coup, Grushkov, j'étais dans sa chambre, il m'a dit, il y a un jeu, je vais te faire jouer. Et du coup, j'ai passé l'après-midi à y jouer. Puis lui, je sais pas ce qu'il faisait. Évidemment, j'ai fait... quand j'étais jeune, j'ai fait avec un de mes meilleurs amis. On s'est fait le Lego, la trilogie originale, ensemble. Voilà. Moi, j'étais comme un ouf quand Rebel Strike est sorti. Alors, pas forcément pour le jeu en lui-même, parce qu'il était pas aussi bien que le précédent. C'est Rogue Leader 3, hein, pour vous donner une petite idée, sur GameCube. Sauf que il y avait un autre CD. Et l'autre CD, c'était Rogue Leader 2 en coop. Et ça, c'était ma boule. C'était ta grosse boule. Rogue Leader 2. Non, mais c'était dingue. Tu pouvais faire tout Rogue Leader 2. Tu pouvais le faire en coop avec un copain, avec chacun son vaisseau, voire à deux sur le faucon, avec l'un qui tire et l'autre qui pilote. Enfin, c'était fantastique, quoi. Non, parce que sinon, Rogue Leader 2, c'est juste le meilleur jeu de la GameCube. Vous faites quoi, là? Le meilleur jeu de la GameCube. On était team PlayStation. Et moi, j'avais pas de GameCube. Alors, voilà. J'ai joué chez un pote, mais j'avais pas de GameCube. Donc... Et je disais qu'avec Rebel Strike, tu l'avais en coop. Celui-là. Mm-hmm. Cool. Non, Robert, ouais, non, moi je. J'ai testé vite fait. Mais... C'était trop bien. C'était trop. D'ailleurs, c'est vrai que. Enfin, bref. Et du coup, je voulais qu'on termine sur un truc que. Soit qui existe et que vous n'avez pas, soit un truc qui n'existe pas mais que vous voudriez avoir quand même. Ouf. Mmh. Ah, c'est chaud ça. Je suis sûr qu'ils disent ça parce qu'ils ont annoncé la figurine taille réelle de Baby Yoda. Ouais, elle est trop mignonne. Elle est tellement, tellement réaliste. En tout cas, elle a l'air. Ça se trouve, ils ont... Moi, je le veux, mais c'est juste pour le cacher dans la maison la nuit. Genre, pour le soir, pour aller aux toilettes, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce truc au milieu du couloir? Maman. Moi, à la limite... Je voudrais un truc qui n'existe pas, mais ça combinerait deux trucs dont on a parlé. Ce serait une collector pour Jedi Knight, Jedi Academy, avec une figurine de comment il s'appelle, le barbu là, le maître. Cal Katarn, avec toutes ses répliques méga, quand on le met sur son socle, il dit toutes ses répliques méga nanardes. Genre, ma parole, c'est le faucon millénium. Voilà, c'est ça que je voudrais. J'y attendais tellement pas au truc de la voix là. Attends, mais il faut la même chose. Il faut un Ben Solo là, redeem de Ben Solo avec toutes ses répliques cultes, genre. Ah bah c'est la seule. T'appuies sur un bouton, il fait juste. C'est parce que c'est vrai. Et là, il a deux répliques, il a le how et la deuxième t'entends juste le bruit du froissement de vêtements quand il fait son haussement d'épaule. Mais il paraît. Et si tu lui parles gentiment, il disparaît. Oh, un truc terrible. Tu fais les bombes de bain là, les trucs qui se dissolvent dans l'eau du bain. Tu fais un Ben Solo et quand tu le fous dans l'eau de ton bain, il se dissout. C'est trop triste. Un tristesse. Ok. Matt, toi, il y a un truc tu connais le principe, j'ai déjà dit merde. Un truc qui n'existe pas, alors soit un nouveau Rock Squadron, un 4. Oui. Ou alors même des remakes HD, même si ils sont encore très beaux maintenant, mais c'est un nouveau Rock Squadron. Alors sinon, une peluche fonctionnelle. On n'a pas entendu. On a j'ai entendu compris une deuxième fonctionnelle. Chez Abraham, où tu peux planter les épis des épingles dessus et du coup il douille sa race à l'autre bout du monde. C'est pas vrai. Et sinon, un truc qui existe, je voudrais bien voir une armure mandalorienne, en fait, parce que ça fait longtemps que j'en veux une. Au moins pour cette année, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai en tête là actuellement. Mais sinon, il y a pas grand-chose de très très cher qui me fait vraiment rêver ou que je pourrais jamais m'offrir. Genre une nuit à Galaxy's Edge. Ah, c'est pas cool de ruiner mes espoirs comme ça. Mais par exemple, sinon, voilà, effectivement. Ouais, mais non, mais. Je suis plutôt simple, je ne demande pas trop. Par contre, pour la poupée vaudou d'Abraham, s'il y a moyen, hein, je prends. Tuki. Un truc qui n'existe pas, je kifferais avoir un set de ville où. Tu sais, genre, même en Lego, tu vois, genre Coruscant en Lego. Enfin, une partie, celle que tu vois dans les films. Mm-hmm. Ou le château de Vador en Lego. Mais ça existe, le château de Vador. Le château de Vador, il existe. Il semble l'avoir vu, ouais. Oh mon dieu. Pardon. Oh merde. Oh non, j'aurais pas dû lui dire. Ah, mais c'est vrai, dans notre collection de maisons Star Wars, en fait, on devrait le mettre. T'as les toutes petites huttes et t'as un château énorme. Surtout qu'il est fat, le machin. Ouais, ouais. Trop bien. Un truc qui existe, j'aimerais bien avoir un vaisseau de Kylo Ren. Soit son taille silencer, soit l'autre, là, celui qui arrive en faisant tin. Mais genre en vrai, tu veux dire? Oui, mais je pense que c'est juste comme il existe. Oui, il existe dans Lego. Ah, cool. Je m'installerai dedans, je ferai ma chambre et tout. Moi, je l'ai, le silencer, c'est pas un souci. Mais toi, t'as tout. Oui, nous, on a le taille rouge de résistance, hein, si tu veux partir là-dessus. Oui. Ah, tu te l'es pris, ça y est? Oui. C'est vrai, ça. Ils ont pas fait le Fireball encore. Oui, alors le Fireball en Lego, faites-le. Le Colossus. Non, c'est pas ouais, ça. Non, le Colossus, il est peut-être trop grand. Ouais. On tire un UCS à 500 balles, que seuls les bourgeois pourront se payer pour en faire des tables basses, c'est pas la peine. Sinon, j'aimerais bien avoir mais quel bâtard. Un sabre laser. Excuse-moi, est-ce que tu as déjà vu un faucon mignol Lego UCS, le dernier truc qui coûte 600 ou 800 balles, je sais plus, autrement qu'en table basse? Je l'ai vu. Je connais qu'une seule personne qui l'a fait. Donc, on sait de qui tu parles, on l'aime beaucoup, mais je pense pas à lui, je pense à plein d'autres personnes qui l'ont fait avant et après. Et qui ok, d'accord, encore, mais je couperai quand même ce que t'as dit. L'enfant. Oh non, moi j'ai rien compris au truc, donc je continue. J'aimerais bien avoir des tenues pour cosplayer aussi. Ouais, j'avoue. Bon choix. Ouais. comme truc qui n'existe pas. J'aimerais bien avoir le corps de Ben Solo pour parler de ce Moi, j'aimerais bien voyager dans l'espace sur les planètes de Star Wars aussi. Ok, là, c'est pas des produits dérivés, c'est des produits tout court. Ok, ouais. C'était tout. Ben, je crois. Si vous n'étiez pas mis à insulter Elon Musk d'énorme connard, peut-être vous seriez déjà dans l'espace. Moi, j'ai rien dit. Mais c'en est un. Alors, j'aimerais bien qu'il fasse une Black Series Ben Solo. Grave. Oh, putain. Ce serait cool. C'est la moindre des choses. Voire même Ben Solo et RS, ce serait cool. Et pareil, au niveau 7 Lego, ce serait bien d'avoir genre le trône des Sith avec Rey et Ben, un truc dans le genre. Une minifique Ben Solo, s'il vous plaît. C'est ouais, parce que moi, j'ai dû m'en faire une custom, mais ça marche pas parce que il fait toujours la tronche et il a la cicatrice. Ouais, on veut un Ben Solo qui sourit, là, histoire qu'on ait le cœur brisé dès qu'on pose les yeux. Au pire, foutez-la dans un calendrier, on payera 25 balles la figurine, on jettera tout le reste, mais... Ouais, c'est clair. Mais non, on a des enfants, on filera tout le reste aux enfants. Oui, c'est ce que je veux dire. Moi, nous, on avait offert des calendriers de l'Avent Lego aux enfants, mais le plus petit, au final, il a fini par me donner pratiquement tout ce qu'il avait. Ce qui est bien, parce que du coup, j'ai récupéré Général Merrick et Rose, donc on est bien. On est bien. Merci. Ah oui, c'est vraiment très gentil. Comment ? Calendrier de l'an dernier. Oui, bah, pour qui c'est pas le même, en fait, les deux. Oui. C'est pas bête. C'est pas bête. Et un truc qui existe, j'aimerais bien me faire un sabre laser custom. Ouais, c'est ce que j'ai dit aussi, mais vous parliez tous les deux en même temps, donc je pense que vous n'avez pas entendu. Et dans votre cas, pour le sabre laser custom, ce serait juste le manche ou un truc avec lame qui s'éclaire ? Tu sais, genre sur Cyberforge ou les trucs comme ça, où tu peux customiser ton manche, choisir ta couleur de lame. Qui marche en fait pour se battre aussi. Ouais. Ah, carrément, je savais pas. Ouais. Tu les connais maintenant, ils seraient foutus de se battre, passer leur samedi à se battre dans le salon comme ça à coups de sabre. Bah, on a déjà fait, mais c'est avec les sabres en plastique des enfants, tu vois, nous, vous êtes badass. Moi, j'avais le sabre à double lame de Dark Maul qui se dépliait en plastique là, quand l'épisode est sorti. Mon fils, j'ai vu ça à Noël. Ouais, bah, tu pourras lui dire que je l'ai et que je lui prête pas et je sais. C'est ton petit frère qui va venir te défoncer. Merci, tonton. T'as fait quoi? Et un autre truc qui n'existe pas, j'aimerais bien qu'il y ait un jeu type Uncharted où t'es un contrebandier, genre, je sais pas, Han Solo ou un truc comme ça. Et dedans, t'as des phases de pilotage, ouais. Mais des vrais. Genre, maintenant, on peut faire tellement de trucs avec les jeux vidéo, c'est facile de faire un jeu d'aventure Star Wars. Merde. Un vrai open world Star Wars aussi. Où tu Elite, mais avec un skin Star Wars. Déjà, ça serait pas mal, déjà. Ça... Non, parce que je veux aussi des phases à pied. Alors, Star Citizen, mais avec un skin Star Wars. Non, parce que je veux qu'il pas que ce soit un FPS. Non, bon, mais, j'en ai marre. Non, mais je dis ça parce qu'il y avait Amy Hennig, la créatrice de la série Uncharted, qui bossait sur un jeu Star Wars avec Visceral, et c'était globalement ça, c'était a priori un Alderanien qui il y avait des phases de vaisseau dedans aussi. Et j'espère, enfin, je préfère pas savoir. Okay. Parce que c'est déjà relou qu'ils aient annulé le truc parce qu'ils ont fermé le studio. Si en plus il y avait des phases de vaisseau dedans et qu'ils ont annulé le jeu, je serais encore plus dégoûté. Mais d'ailleurs, si des gens de Disney nous écoutent, je suis game designer et programmeur, donc je veux bien faire un jeu Star Wars. Même pour pas cher. Voilà, c'est ça. Même gratuitement. Non, peut-être pas. Je connais ça. Je bosse à côté. Pardon. Ouh là là. Mais voilà. Le message est passé. Voilà. Bon ben, on aura deux messages dans ce podcast. On aura le mec qui doit me rendre mes VHS et d'ailleurs, qui cherche du taf. On va te retrouver. On va te défoncer. Le pire, c'est s'il me répond vraiment. Ouais, par contre, tu diras à ton pote de se calmer. Voilà, et j'ai plein d'autres trucs que je voudrais, mais je vais y passer des années. Je préfère m'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Ouais. Oui, je pense que c'est bon là. J'ai pas parlé de mon Chewbacca. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon Chewbacca? Ah oui, vas-y. Bah, c'est une époque où Furby se relançait un petit peu. Ils ont sorti des nouveaux modèles. Ça coïncidait à peu près avec la sortie de l'épisode 7. Et ils se sont dit, pourquoi on ne ferait pas un Furby Star Wars? Et du coup, ils ont fait le Chewbacca. Donc, c'est un couleur de Chewbacca avec la même crinière, tous les mêmes couleurs. Il a sa petite cartouchière en bandoulière avec son sac. Et apparemment, il y a toute une appli que j'ai pas encore installée parce qu'elle va prendre 50% de l'espace qui reste sur le téléphone, mais tu as une application assez complète pour jouer avec ton Chewbacca. Et évidemment, il fait des cris pas possibles. Alors, si je l'allume maintenant, on pourra pas finir l'épisode tranquille, mais... On l'a entendu la dernière fois en plus. Des fois, il chante la marche impériale, des fois, il chante le thème de Star Wars, des fois, il fait juste des bruits insupportables, et il finit par s'endormir et... Je n'ai pas encore beaucoup joué avec, mais je l'aime beaucoup et il va tenir compagnie à Monsieur Stout, qui est un officier de la Starfleet. Attends, c'est pas Monsieur Stout ? Stout. Ouais, Stout, c'est mieux. Hein. Ouais, Stout, c'est vachement mieux. En plus, on l'appelle tous Stout, donc t'es en minorité. Donc, voilà. Bon, t'es obligé, en fait. Je m'en fous. Mais c'est, je crois que c'est un des trucs les plus chelous Star Wars que j'ai. Enfin, un peu moins sûrement que le porte-brosse à langue Jar Jar Binks, mais c'est quand même un truc assez fondard. L'éponge Kylo Ren là, ou Ben Solo. Voilà, ouais. On n'est pas dans le même genre de délire. C'est quand même chelou. C'est plus naze que chelou, mais... J'avais un pote à un moment qui avait des capotes Star Wars et du coup sur un des paquets c'était je ne serai pas ton père. C'est carrément lame là pour le coup. Hein. C'était nul à chier, mais bon voilà. Il fallait que je donne des points pour l'originalité. Oh, mais est-ce que c'est vraiment original? Moi, ce que j'adore faire, c'est quand je vais chercher des produits dérivés Star Wars, c'est Yoda. C'est partager les pire truc, genre les trucs vraiment moches, genre les Yoda foirés ou les trucs comme ça. C'est souvent Yoda. Hein. C'est souvent Yoda, des fois Chewbacca aussi, genre les costumes pour adultes Chewbacca où t'as l'impression que le mec il va te kidnapper. La vache, il a allumé son Chewbacca ce bon matin. J'ai pas fait exprès. Il y a les Daleks qui sont en train d'essayer d'exterminer Matt là. Ah oh non. Le bruit dégueulasse qui Matt, sors d'ici. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @FauconPod et sur Facebook. Il va vous retrouver. Allez, c'est bon, je l'ai éteint. Exterminate. Et que la force soit avec vous. Au revoir. C'est bon, on s'endort. Reviens. Prends ta pelle et ton seau et va jouer.